En Corée, tous les travailleurs mènent une vie stable, protégée par le système des soins médicaux gratuits pour tous, instauré grâce à la politique populaire du Parti du Travail et de l'État, et le système des assurances sociales qui leur assure du repos suffisant et la santé. Les bienfaits du système des assurances sociales en Corée sont accordés aux frais étatiques et sociaux, et ils sont garantis parfaitement et juridiquement. Le président Kim Il-sung a précisé dans sa conclusion lors du présidium du Comité populaire provisoire de Corée du Nord, tenu en décembre de l'an 35 du 10 1946, de l'application de la loi des assurances sociales, l'adoption de la loi des assurances sociales pour l'amélioration de la santé et la vie stable des ouvriers, employés de bureaux et de leurs familles. Suivant le développement accru de la capacité économique du pays et l'amélioration de la vie matérielle et culturelle de la population, la Corée augmente sans cesse les investissements pour les assurances sociales dans le cadre du budget national.